moment. Quel record, quelle performance, bravo. Dites-nous comment on se prépare à Paris 2024. Il n'y a pas de secret, c'est de l'entraînement, mais le plus important, c'est de bien s'entourer. C'est pour ça que je suis passé chez EDF en début de saison. Passez une rentrée de champion avec EDF. Jusqu'au 10 septembre, ouvrez un contrat d'énergie chez EDF, fournisseur officiel d'électricité renouvelable des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et tentez de remporter vos places, dont deux pour la cérémonie d'ouverture. Infos et conditions sur edf.fr/une-rentrée-de-champion. L'énergie est notre avenir, économisons-la. La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, comment Blaise Pascal imaginait-il l'imagination ? Durant tout cet été, la conversation scientifique explore les différentes facettes de l'imagination et de l'imaginaire. Nous ambitionnons de donner, touche par touche, un corps radiophonique à la thèse de Gaston Bachelard selon laquelle raison et imagination agissent toujours de conserve. La question est en somme, est-il possible de rendre raison de ce que nous imaginons et réciproquement de voir à quelles conditions nous pouvons donner raison à notre imagination ? Nous enregistrons cette émission le 19 juin 2023, qui se trouve être, hasard du calendrier, le 400e anniversaire de la naissance de Blaise Pascal. Blaise Pascal qui aimait tellement l'Auvergne qu'il est né à Clermont-Ferrand, selon les bons mots d'Alexandre Vialat. Chacun sait que cet effrayant génie fut mathématicien, inventeur, philosophe, moraliste, physicien et théologien. Mais c'est surtout aux pages mémorables qu'il a consacrées à l'imagination que nous allons nous intéresser. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'imagination n'avait pas bonne réputation aux yeux de l'auteur des pensées. Il se la représente en effet comme une puissance d'illusion qui domine la pensée et régit l'existence des hommes. Je le cite. « L'imagination, c'est cette partie dominante dans l'homme, cette maîtresse d'erreur et de fausseté. Elle est d'autant plus fourbe qu'elle ne l'est pas toujours, car elle serait règle infaillible de vérité si elle était infaillible du mensonge. » Mais étant le plus souvent fausse, elle ne donne aucune marque de sa qualité, marquant du même caractère le vrai et le faux. » Fin de citation. Mais qu'est-ce au juste ce que Blaise Pascal appelait l'imagination ? Aujourd'hui, nous clamons qu'il est bon d'avoir de l'imagination, que c'est même un atout. Alors que s'est-il passé pour que notre jugement ait à ce point évolué ? À moins que ce soit le sens du mot « imagination » qui ait changé entre le XVIIe siècle et aujourd'hui. Pour le savoir, j'ai le plaisir de recevoir Laurence de Villers. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, spécialiste de l'âge classique et vous venez de faire paraître un livre intitulé « Philosophie de Pascal, le principe d'inquiétude ». Alors, ma première question, Laurence de Villers, sera la raison de votre intérêt et même de votre fascination pour Blaise Pascal. Qu'a-t-il d'unique, selon vous ? Alors vous commencez par la question la plus difficile, parce qu'elle est peut-être la plus intime, c'est celle dont on ne rend jamais compte. Vous avez dit le mot, c'est une fascination. Quand j'ai commencé à lire Pascal, alors que j'étais beaucoup trop jeune pour qu'on me permette de lire ce genre de choses. C'est-à-dire quel âge ? J'avais 15 ans, et j'ai été fascinée. Fascinée parce que je comprenais pas tout, et comme j'avais tendance à m'ennuyer dans la vie, et dans la vie intellectuelle, je me suis dit, si c'est un auteur où je comprends pas tout, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Et donc j'ai lutté longtemps contre cette fascination. Alors Descartes a été mon remède contre Pascal. Et puis arrivé à un âge où Descartes lui-même dit qu'il faut commencer par tout reprendre à zéro dans sa vie, et bien je me suis dit que j'allais plus résister à la fascination. Et donc j'ai voulu travailler et écrire un livre sur Pascal. Alors Blaise Pascal, je l'ai dit un peu dans mon introduction, il s'est intéressé à presque tout. Mais il avait quand même des interdits. Il n'aimait pas le théâtre. Et vous dites dans votre livre que les pensées sont une sorte de pièce de théâtre. Ce dans quoi je ne l'ai pas reconnu. Je ne les ai pas reconnus. J'ai pas vu en quoi les pensées ressemblent à une pièce de théâtre. Il n'y a pas de personnage. Ah, il y a plein de personnages. Il y a des dialogues. Il y a une comédie humaine. Il y a le savant, le piqueur, le chasseur, le veuf qui a perdu sa femme, son fils unique qui est en procès mais qui chasse le sanglier. Il y a le roi sans divertissement. Non, mais qu'il y ait des personnages, c'est incontestable. Mais il ne suffit pas qu'il y ait des personnages pour qu'on puisse parler d'une pièce de théâtre. Il y a des dialogues. Il y a des dialogues. Oui. beaucoup de dialogues. On a même pu discuter sur le fait que les pensées, si elles avaient été achevées, parce qu'on est en train de parler des écrits d'un mort, auraient été une suite de dialogues. Et surtout, il y a des tableaux très très forts, très imaginatifs. Il y a l'homme naufragé abandonné sur une île déserte et effroyable. Il y a le cachot dans lequel on est condamné à mort. On voit chaque jour égorger ses compagnons d'infortune. Et il y a le cachot où on joue au bilboquet, il y a la chasse, il y a les abîmes qui s'ouvrent sous nos pas. Il y a les juges. Il y a les juges, il y a les Cléopâtre. Il y a des philosophes, il y a les sauts de la bande, il y a Cléopâtre. Avec son nez. Il y a Scaramouche, avec les mouches qui font perdre ou gagner les batailles. Enfin, on a Pascal qui sait, vous avez cité ce fragment 78 en ouverture, Pascal qui sait que l'imagination est la partie dominante en l'homme, et comme le but de Pascal est de s'adresser à l'homme, de le réveiller de son sommeil beaucoup trop tranquille, de ses fausses tranquillités, et ben il va utiliser l'imagination. Donc on a une suite de tableaux, une chose que je cherche à faire, mais il faut sans doute être beaucoup plus érudite que moi, c'est de restituer les tableaux, les peintures que Pascal a pu avoir sous les yeux pour nous donner ces images si contrastées. Mais pourquoi est-ce qu'il n'aimait pas le théâtre? Parce que justement, il laissait trop de place pour l'imagination? Oui, et puis parce que le théâtre fait exactement ce que fait l'imagination, c'est-à-dire pervertir la distinction entre le réel et l'imaginaire, le vrai et le faux. C'est-à-dire qu'au théâtre, on va s'émouvoir de quelque chose qui n'a pas lieu, de quelque chose qui est fictif, de la même façon que l'imagination va nous faire nous préoccuper, nous omnubiler, nous obséder pour un sanglier, alors qu'on se pose pas la question de savoir quel est le sens de la vie. C'est et Rousseau est un héritier de Pascal et le dira, c'est une fausse communauté que la communauté qui se réunit pour voir une pièce de théâtre, et c'est un faux réel que le réel que nous donne à voir le théâtre. Tout est faux dans le réel. En fait, ce qu'il reproche au théâtre, c'est que le divertissement qui résulte de l'imagination nous détourne des bonnes questions. Oui, et en plus, donc tout est faux dans le théâtre, et en plus, le théâtre est un divertissement. Et le divertissement, c'est exactement, ça a la fonction d'un écran de fumée qui nous fait voir ni la vérité, ni la réalité. Mais c'est un divertissement parmi d'autres. Mais c'est sans doute l'un des plus pervers. Et aussi le plus pervers parce que le plus populaire. Vous dites dans votre livre, Laurence de Villars, que la pensée de Blaise Pascal était, enfin, est toujours d'ailleurs subversive. Est-ce que vous diriez que c'est une philosophie radicale? Alors, subversif, c'est certain. Donc, je pense qu'il faut laisser à Pascal ce rôle de philosophe subversif. Donc, il ne faut pas le faire rentrer dans des institutions ou dans des monuments. Faut pas le canoniser. À mon sens, faut surtout pas le canoniser pour plusieurs raisons, mais déjà celle-ci parce qu'il faut garder son côté de contre-pouvoir, de contre-culture, comme a été Port-Royal. Radical, oui, j'ai hésité parce que le mot est galvaudé, mais radical certainement. Déjà parce que Pascal veut reprendre les choses à la racine, précisément ce que nous voulons pas faire. Nous préférons nous inquiéter d'une pièce de théâtre, d'un jeu, d'une conversation, d'un sanglier qu'on chasse, mais certainement pas de la racine des choses. Et est-ce que c'est un esprit universel? Il a été mathématicien, physicien, oui. Théologien, moraliste, inventeur, oui. La pascaline. Absolument, absolument. Universel. Alors j'ai parlé de radical universel parce qu'il se trouve que Laurence de Villers, votre nom, a pour anagramme le radical universel. J'espère que ça vous va. Ah, ça me va. Voilà. Ah, j'aime beaucoup, je peux l'utiliser à partir d'aujourd'hui. Mais bien sûr, il n'y a pas de problème avec ça. Les anagrammes appartiennent à tout le monde. Ce ne sont pas des découvertes, ce sont des... ce ne sont pas des inventions, ce sont des découvertes. Ah non, je l'aime. Est-ce qu'on pourrait dire que l'imagination, pour revenir à notre sujet, Laurence de Villers, s'attache à tout ce qui est relatif au lieu de se poser des questions qui, elle, renvoient plutôt à ce qui est fondamental? Oui, elle le fait, c'est-à-dire que c'est une puissance déformante. C'est-à-dire que elle va grossir ce qui est inessentiel et secondariser ce qui est essentiel. Mais alors, vous avez raison, elle va s'intéresser et s'inquiéter même de ce qui est relatif sans voir l'essentiel, mais elle peut aussi voir l'essentiel. C'est le problème de l'imagination, c'est que elle est une puissance trompeuse qui parfois peut dire le vrai. Mais elle fait la même chose avec le faux. En fait, ce qu'elle nous donne comme résultat, c'est l'indiscernabilité du vrai et du faux. C'est la perversion maximale. Mais c'est exactement ce qu'on reproche aujourd'hui à l'intelligence artificielle. ChatGPT ne sait pas faire la différence entre le vrai et le faux. C'est ce qu'on lui reproche. Oui, absolument. Donc mais je pense que ChatGPT n'a pas d'imagination. Mais non, il n'a pas de pensée. Il n'a pas de pensée. Il ne comprend pas ce qu'il dit, mais... Il ne fera pas la distinction. Alors ça intéresserait Pascal, parce que toute la société est une société de faux-monnayeurs. Précisément parce que c'est l'imagination qui fabrique les billets. Donc elle peut faire du vrai comme du faux. En fait, elle crée une insécurité dans le domaine du vrai et du faux. Mais est-ce que Blaise Pascal, est-ce que vous êtes capable d'imaginer ce que penserait Blaise Pascal s'il découvrait qu'un billet de 500 francs a été imprimé avec son effigie? Le billet de ce qu'on appelait le Pascal 500 francs, qui était la plus grosse somme existant sous forme de billet. Je pense que c'est vraiment ironique, c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais quand on dit que Pascal doit rester subversif et on l'a placardé sur un billet de banque, sur des billets. Bon, cela dit, il a inventé aussi une machine à calculer et lui-même a été un chef d'entreprise. Il a inventé le premier système de transport en commun à Paris. Carrosse à 5 sols. Le carrosse à 5 sols, donc c'est en gros le taxi à 5 francs. Je crois qu'il y a des lignes de métro qui suivent le parcours. Oui. Alors, il n'y avait qu'une ligne, et il avait aussi eu l'idée d'accompagner cette création d'un plan marketing, en quelque sorte, avec des placards de publicité. Donc, je pense que Pascal, de toute façon, se serait amusé de beaucoup de choses que nous vivons. Mais Laurence de Villers, revenons au mot imagination. Est-ce que le sens qu'on lui donne a changé depuis le XVIIe siècle? À lire Pascal, on a l'impression que parfois, l'imagination, pour lui, c'est de la folie. C'est la folie. Oui, alors, et je pense que c'est intéressant parce que c'est sans doute, alors c'est une hypothèse que j'avance, c'est sans doute au XVIIe siècle que les choses sont en train de changer. C'est-à-dire que l'imagination, vous avez raison, dans le sens le plus courant et le sens qu'emploie Pascal très largement, c'est beaucoup plus proche du terme de délire, de folie au sens de fantasme, pas maladie mentale, mais le délire, entre délire et fantasme. Et puis on trouve aussi, dans Pascal, l'idée que l'imagination est une capacité à modéliser. Par exemple, on parlait de la machine arithmétique, la machine à calculer. Il dit qu'il cherche quelqu'un pour fabriquer ce qu'il a imaginé. Quand il parle des nouvelles expériences, les expériences qui prouvent l'existence du vide, il dit qu'il a imaginé. Donc, on a les deux sens. On a le sens où imaginer, c'est le sens actuel, c'est se représenter ce qui n'existe pas, se représenter à partir d'images, donc dans l'espace. C'est modélisé. Et puis, il y a aussi le sens de délire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chez Pascal, ce délire est collectif. L'imagination, c'est une puissance collective. C'est pas une folie individuelle. Ça emporte toute l'humanité. Il y a une folie individuelle. Hein. Le plus grand des savants est sans doute un des plus grands fous aussi, enfin délirant. Mais l'imagination a cette capacité que n'a pas la raison d'entraîner les foules, et même de mieux, pas seulement d'entraîner, de créer une cohésion sociale et politique. Alors, il n'aime pas cette imagination-là, mais il ne déteste pas la spéculation. Or, dès qu'on se met à spéculer, on utilise son imagination au sens actuel du terme. Oui, et dans l'esprit de géométrie qui est capable de déduire jusqu'aux plus ultimes conséquences, il y a une imagination. Il y a une capacité déductive que n'a pas, à contrario, l'esprit de finesse qui ne peut pas aller jusqu'à imaginer dans le détail ce que donne la déduction des principes. Oui, c'est-à-dire que l'esprit de finesse nous limite en fait. Nous empêche d'accéder à des connaissances vraiment fondamentales en nous limitant à la surface des choses. Oui. C'est un peu ça que j'ai compris en lisant ce texte. Alors, je ne sais pas le numéro du fragment dans les pensées. Vous les connaissez par cœur? Alors, les fragments les plus importants, je crois que je les connais par cœur. En tout cas, je les connais dans l'édition de Philippe Sellier, qui est la mienne. Mais l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie, en fait, font la même chose. Déduisent à partir de principes. L'esprit juste, c'est déduire à partir de principes. Mais l'esprit de géométrie part de principes très clairs, mais peu habituel, voire contre-intuitif. On dirait de nos jours un peu contre-intuitif. C'est un peu quand j'essaie de comprendre quand vous me parlez de science. Je comprends les principes dont vous partez, mais ils sont un peu contre-intuitifs. La physique quantique, elle est contre-intuitive. C'est le chat qui est mort et vivant. L'esprit, à la fois, l'esprit de finesse nous dit des choses que nous pouvons voir, qui sont normalement sous nos yeux, que tout le monde peut dire, mais en tire des conséquences que nous ne savons pas tirer. Oui, mais justement, qu'est-ce que la raison de Blaise Pascal, dont il regrette qu'elle ne s'impose pas à notre esprit avec autant de force que l'imagination, dirait de la mécanique quantique? Est-ce qu'on peut imaginer cette situation où la physique quantique semble non pas irrationnelle, mais déraisonnable, c'est-à-dire oblige à admettre cette fameuse superposition d'états où un chat est la somme d'un chat vivant plus d'un chat mort? La raison n'est pas tout à fait à l'aise avec cette idée. Je pense que la raison pascalienne serait à l'aise parce que l'expérience qu'il appelle nouvelle expérience qu'il a menée pour prouver l'existence du vide, c'est précisément aller à l'encontre d'une prétendue vérité scientifique qui était en réalité un préjugé, dire la nature a horreur du vide. Donc il a montré que la nature n'a absolument pas horreur du vide, et de toute façon la nature n'a ni horreur ni plaisir. Donc après tout, oui, chat mort et vivant à la fois, tant qu'on n'ouvre pas la boîte pour voir ce qu'il en est, je suis pas sûre que ça aurait choqué Pascal. En tout cas, il a soutenu Galilée, l'héliocentrisme de Galilée, il l'a soutenu contre l'Église. Donc il avait quand même l'idée que la raison est capable d'accéder à des vérités entre guillemets scientifiques qui sont contre-intuitives, en tout cas qui sont contradictoires avec les dogmes d'une époque. Enfin, la faiblesse de la raison, c'est le grand partage entre ce que peut la raison et ce que peut l'imagination. Ce que peut la raison, et chez Pascal, on oublie souvent de le dire, la raison crie. Il le dit dans le grand fragment, le long fragment rédigé sur l'imagination, il dit « la raison a beau crier ». C'est-à-dire que la raison n'est pas impuissante chez Pascal, elle crie, mais elle crie parce que l'imagination, elle, n'a pas besoin de crier. C'est pas que l'imagination est plus puissante au sens où elle crierait plus fort. Elle s'impose d'emblée. En fait, ce que fait l'imagination et que ne fait pas la raison, même elle en est incapable, elle fait même le contraire, c'est que l'imagination met le prix aux choses. C'est-à-dire qu'elle est la puissance des valeurs, et la valeur première, l'étalon, c'est pas l'or, ce qui donne la valeur des valeurs, ce qui fait toutes les cotes en bourse, c'est le bonheur. L'imagination peut me rendre heureux, par l'illusion, mais peu importe. Elle peut me rendre heureux, elle peut rendre heureux les fous, elle peut rendre heureux les sages, alors que la raison est incapable même de rendre heureux ses amis, dit Pascal. Il dit exactement, la raison a beau crier, elle ne peut mettre le prix aux choses. C'est-à-dire qu'elle établit des fausses hiérarchies, finalement, entre non. les valeurs. Qu'est-ce qu'on appelle le prix? Le prix, c'est quoi? Le prix, selon moi, ma lecture, c'est que le prix des choses, c'est ce que dit un autre fragment, c'est que tous les hommes ne désirent qu'une seule chose. C'est le désir qui valorise. Qu'est-ce qui fait qu'on veut quelque chose? Qu'on accorde de la valeur à quelque chose. C'est parce que notre désir ou le désir des autres s'y porte. Eh bien, ce que nous désirons par-dessus tout, et tout s'y ramène, c'est être heureux. Donc l'imagination, elle, contrairement à la raison, elle peut mettre un prix, une étiquette. Ça vaut tant parce que ça a le pouvoir de me rendre heureux ou pas. L'imagination ne pense en termes de valeur, c'est-à-dire ce qui peut me rendre heureux ou pas. La raison, pas du tout. Elle pense pas en termes de valeur, elle pense en termes de vrai et faux. C'est ce qu'il veut dire quand il écrit « Nous souhaitons la vérité et ne trouvons en nous qu'incertitude. Nous recherchons le bonheur et ne trouvons que misère et mort. Nous sommes incapables de ne pas souhaiter la vérité et le bonheur. » Et sommes incapables ni de certitude, ni de bonheur. Alors ça, c'est un de mes fragments préférés, parce que j'y ai vu dans cette double incapacité. Incapacité de savoir, mais incapacité à renoncer de savoir. J'y ai vu le lieu même de l'inquiétude. C'est-à-dire, qu'est-ce qui crée de l'inquiétude en nous? C'est le fait que nous avons un désir et même une capacité à la vérité et au bonheur. Et nous avons ou le vide, nous ne trouvons ni bonheur ni vérité, ou le contraire de ce que nous visons. Nous avons le mensonge et nous avons la misère. Et c'est ce qui va faire dire à Pascal quelque chose qui a retenu mon attention, parce qu'à la fois c'est une expression géniale et difficilement compréhensible. Nous avons une capacité naturelle vide. Qu'est-ce que c'est qu'une capacité vide? Elle est vide de quoi? De sa propre capacité, donc incapable d'être capable, ou elle est vide de ce qu'elle vise, vide de son objet. Enfin bref, ce qui m'a intéressé, c'est que contrairement à ce Pascal manichéen qu'on m'avait enseigné, enfin que j'avais entendu, un Pascal qui dit la raison ne peut rien, la grâce peut tout, l'homme est malheureux sans Dieu, l'homme est heureux une fois converti avec Dieu. Moi, j'avais trouvé qu'il y avait un espace entre les deux, et d'ailleurs Pascal dit que la vie, c'est la vie entre deux, entre la terre et le ciel, entre l'enfer et le ciel. Et ben dans cet entre deux, je suis taraudée par l'inquiétude de ce que je désire et que je n'ai pas. Je suis taraudée par le vide. C'est-à-dire que notre désir est impuissant à être comblé ? Oui. Mais notre... c'est pas pour une raison pour l'abandonner. Mais le vide n'est pas rien, chez Pascal, ça va vous plaire. Le vide n'est pas rien, c'est-à-dire que cette capacité vide, cette capacité qui fait que, dit-il, j'ai une image de la vérité, je sais ce que c'est que la vérité, et je sais même ce que ça ferait d'être dans la vérité, j'ai une idée du bonheur, je sais ce que doit être le bonheur, et je ne l'ai pas. Eh bien ce vide qui affecte ma capacité, ça procure en moi une inquiétude, d'où, par exemple, quand Pascal doit dire ce que c'est que la condition humaine, il dit « inconstance, ennui, inquiétude ». D'où le titre de votre livre « Philosophie de Pascal, le principe d'inquiétude ». Alors, vous avez cité, en parlant des pensées, le fait que Blaise Pascal donne toujours beaucoup d'exemples, il y a des personnages, c'est très incarné. Est-ce que ça veut dire qu'il n'aimait pas les concepts, il n'aimait pas l'abstraction ? Alors, je pense que, comme beaucoup à son époque, c'était déjà le cas de Descartes, ou de Hobbes, ou de Spinoza, je pense que c'est une époque qui a réfléchi sur de nouvelles manières d'écrire, parce qu'on essayait de dépasser l'enseignement stérilisant de la scolastique, qui était une mise en forme, une mise en ordre de choses déjà connues, et qui permettait pas de découvrir. Donc, je pense que Pascal a essayé d'imaginer une autre manière d'écrire et d'écrire de la philosophie. D'abord parce que il sait que s'il veut retenir l'attention des hommes, il faut qu'il s'adresse à leur imagination. Et ensuite, il veut pas être coupable, comme toute la scolastique, d'une philosophie qui vaut pas une heure de peine, qu'on peut faire pendant des heures et toute une vie et qu'on oublie dès qu'il s'agit d'en parler. Vous dites, Laurence de Villers, il faut penser l'homme à partir de son naufrage, et vous parlez à ce sujet d'un principe de raison insuffisante. Qu'est-ce que c'est que ce principe de raison insuffisante ? Alors, ce qui est frappant, c'est que lorsque Descartes veut... vous voyez ? Ça, c'est un lapsus. Hein. On va le garder. Ça, c'est parce que j'ai aimé Descartes longtemps et je l'ai trompé avec Pascal. Ce qui est frappant, c'est que Pascal, quand il s'agit de donner une définition de l'homme, en réalité, ne donne pas de définition, mais donne un tableau, une scène, et une scène très imagée. La scène qui est une des plus frappantes, et elle reviendra dans d'autres écrits, dans les discours sur la condition des grands, c'est le naufrage. L'homme est un naufragé, c'est-à-dire qu'il se trouve en un lieu où s'il y a des signes, il peut pas les lire, et où il y a ce que j'ai appelé le principe de raison insuffisante, c'est-à-dire que il vit des choses, il a des expériences sans raison, dont il ne peut pas donner la raison. Il ne sait pas pourquoi il est ici, il ne sait pas ce qu'il y fait, il ne sait pas pourquoi il vit, il ne sait pas pourquoi il avance, pourquoi il devrait le faire et pourquoi il va mourir. C'est-à-dire que il ne lui reste de l'interrogation sur le principe de raison, pourquoi quelque chose, ou la cause de ce qui est, il ne lui reste que l'effet. Je sais que je suis là. L'effet sans cause, ce qui est c'est traumatisant en réalité, un effet sans cause. C'est-à-dire que vous pouvez jamais remonter jusqu'à une explication. La situation de l'homme chez Pascal, c'est être embarqué, jeté dans le monde, au milieu de ce recoin de l'univers qui est dans les espaces infinis. En fait, on est le résultat sans raison, on est un effet sans cause. On est naufragé, on est tombé d'une embarcation, mais on ne sait pas très bien ce qu'elle est, d'où elle vient, ni où elle devait aller. Et on ne sait pas ce qu'il en est de cette île où on se trouve, et ajoute Pascal, pour que vraiment le tableau soit complet, on ne sait s'il y a moyen d'en sortir. Parce que comme tout naufragé, on pense tout de suite à faire un radeau, à se dire comment on va partir. Mais chez Pascal, on ne sait pas si c'est possible. Et puis, il y a pire encore. Chez Pascal, souvent, quand le pire est énoncé, il y a encore pire. Quand il décrit ce naufragé est dans une île déserte, mais entouré de ses semblables, ce qui renforce le côté désert, puisqu'il pose des questions à ses semblables. Ses semblables, non seulement se posent pas de questions, mais ça donne au divertissement, et n'ont pas la réponse. Donc pire que pire, c'est que je ne sais pas s'il y a moyen d'en sortir, et pour certains, c'est pas grave. À propos de l'imagination, revenons à elle. Il y a un passage des pensées qu'on cite partout. Et je voudrais avoir votre avis, parce que moi je suis pas sûr d'être d'accord avec ce qu'il dit. Le plus grand philosophe du monde, écrit-il, sur une planche plus large qu'il ne faut, s'il y a au-dessous un précipice, Quoique sa raison le convainque de sa sûreté, son imagination prévaudra. Plusieurs n'en sauraient soutenir la pensée sans pâlir et suer. Autrement dit, on est sur une planche au-dessus du vide. Assez large. Elle est assez large. Bon, mais bon, on est en sûreté, en fait. Mm. Mais il faut quand même être prudent. Et donc, il est normal que la peur crée, qui est un résultat de l'imagination, mais quelqu'un qui n'a jamais peur a une espérance de vie très très courte. S'il est normal d'être prudent et peut-être un peu effrayé sur une planche telle qu'il l'a décrit. Oui, mais la prudence, si elle est cette vertu raisonnable ou qui rend raisonnable ou qui permet à la raison de nous donner le meilleur choix possible, de nous dessiner une voie, alors on devrait précisément être pris à côté de la peur, de la sécurité, du sentiment de sécurité. C'est-à-dire, ma raison me dit, oui, il y a sans doute le précipice en dessous, mais la planche est assez large, etc. En réalité, la prudence ne prévaut pas. L'imagination va l'emporter. C'est, encore une fois, c'est exactement comme dans le fragment qui décrit les relations entre raison et imagination. La raison a beau crier, dans ce cas-là, elle crie. Elle crie au plus grand philosophe, ah, tu risques rien. La prudence te dit, la raison te dit, tu risques rien. Mais l'imagination donne la valeur aux choses, parce qu'elle donne la valeur à ma vie, elle donne la valeur à ma vie, donc au bonheur. Et alors, moi, ce que je trouve intéressant dans ce fragment, c'est la mise en abîme. C'est-à-dire que le plus grand philosophe, c'est intéressant que Pascal ait dit ça, parce qu'il nous prouve que cette grandeur qu'on attribue aux philosophes, bah, c'est aussi un effet de l'imagination. Le plus grand, le meilleur, le plus célèbre, le plus beau, le plus riche, donc la star incontestable, c'est un effet de l'imagination. Il s'en moque aussi de, par ce biais-là. Il se moque de cette hiérarchie. Absolument. Enfin, il montre que il se moque à la fois et du philosophe, qui est pourtant celui qui nous dit « la raison prévaut, la raison va donc m'aider à ne pas être submergé par la peur ». Ça ne veut pas dire ne pas éprouver la peur, mais ne pas être submergé par la peur. Et il se moque de la philosophie, qui est un produit, qui est, alors je vais le dire avec des termes anachroniques et contemporains, c'est un star system. La philosophie où il y a le plus grand, bah, Pascal l'appellera dans un autre fragment « le plus sot de la bande ». C'est un effet de l'imagination. Vous avez des noms ou pas? Enfin, pour en donner. Il écrit quelque part, ou alors c'est vous dans votre livre, je ne sais plus dire, la vérité en elle-même ne suffit pas, ce qui compte c'est l'amour de la vérité. Alors oui. Que l'imagination, elle suffit, d'après ce que vous dites. L'imagination, elle suffit parce qu'elle n'a pas besoin de parler plus fort que la raison, elle nous parle de ce qui nous intéresse, et la seule chose qui nous intéresse, c'est nous-mêmes et la possibilité qu'on a d'être heureux. Mais la vérité ne suffit pas précisément parce que la raison ne suffit pas. C'est-à-dire dire la vérité ne suffira pas. Il faut pouvoir persuader. Il faut pouvoir faire que les hommes veuillent cette vérité qu'on leur énonce. Et si Pascal écrit les pensées, c'est au moins pour cette raison que nous détestons la vérité. La vérité est précisément la seule chose que nous ne voulons pas. Parce que d'abord, ça sera la vérité sur nous. Et nous ne voulons pas de la vérité sur nous. Et donc, il va bien falloir lutter non pas tant contre le faux, mais contre la haine de la vérité et l'amour de l'illusion. Faut jouer les passions contre elles-mêmes chez Pascal. Mais donc on ne veut pas la vérité en ce qui nous concerne, mais on veut bien la vérité sur les autres ou pas? Parce que si on libère Pascal, on a l'impression que il n'y a pas d'amour possible, on n'aime jamais personne, ah oui. On n'aime jamais que certaines qualités, la beauté, l'intelligence qui sont secondaires et peuvent disparaître. Donc il n'y a pas d'amour possible. L'amour est possible, mais il faut savoir qu'il est fondé sur une illusion. Enfin, c'est une double illusion. C'est-à-dire que moi, dans la demande amoureuse, je veux être aimée pour moi. Je ne veux pas être aimée pour mes qualités. Blonde, grande, brune, etc. Mon intelligence, dit Pascal, ma beauté. Je ne veux pas être aimée pour ça. Je veux être aimée indépendamment de ces qualités. Je veux être aimée pour moi-même. Oui, mais il est où ce moi-même qui voudrait être aimé? Parce que ce qu'on voit de moi, ce qu'on connaît de moi et ce qu'on aime de moi sont ses qualités. Mais alors, il est où le moi? Celui qui est haïssable, comme il dit. Celui qui est haïssable. Mais le tour de force de Pascal, c'est que là où on avait les questions métaphysiques qui commencent toutes par pourquoi, qu'est-ce que, lui, il pose la question où? Où est le moi? Pas qu'est-ce que le moi? Où est-il? Donc on n'aime jamais personne. L'amitié, c'est pareil. C'est-à-dire, il peut y avoir des amitiés, mais il faut quand même savoir, dit Pascal, que dès que vous avez le dos tourné, bah, on dira la vérité sur vous et il n'y aurait pas deux seuls amis qui subsisteraient. Quatre. Quatre. Il a dit quatre. Enfin, moi, j'ai lu quatre. J'attendais que vous me repreniez. Parce que moi, j'étais plus radicale. Quatre. Il n'y en a pas plus de quatre dans le monde. Alors, vous dites, quelque part, Laurence de Villers, que vous aimiez Descartes et vous l'avez trompé avec Pascal. Alors, qu'est-ce qui a provoqué cette rupture amoureuse ? Bah parce que j'ai vécu trop longtemps avec Descartes. Et j'ai vécu trop longtemps avec Descartes pour me préserver de Pascal. Et puis, j'ai décidé qu'il était temps de laisser la sécurité et d'aller affronter les abîmes. Qu'est-ce qu'il y a de sécurisant chez Descartes ? Parce qu'il y a un système complet. Ah, Descartes, c'est sécurisant. Descartes, c'est tout ce qui manque dans ce fragment que vous avez cité de Pascal. C'est-à-dire, j'ai un critère du vrai et du faux. La certitude que me procure le vrai, c'est un critère. À partir de là, je peux bâtir. Descartes, c'est un bâtisseur. À partir d'un seul principe, pendant que je doute de tout, au moins je suis en train de penser, je rebâtis tout le système des sciences. Donc oui, Descartes, c'est un chemin sûr. D'ailleurs, la morale cartésienne, c'est aussi là où il n'y a pas de chemin, j'en trace un, puisque la volonté, c'est le fait de se mettre en demeure, de jamais manquer de volonté. Donc même où le chemin est perdu, et c'est l'image qu'il donne, hein, c'est comme des voyageurs perdus en forêt, la vie c'est ça chez Descartes, c'est être perdu au milieu de la forêt. Eh bien, sans chemin, sans balise, sans savoir où, par la volonté, pas par le volontarisme, mais par le fait de faire preuve de volonté, je vais tracer un chemin. Même si c'est le mauvais, au moins je n'ai pas erré. Donc oui, Pascal, Descartes, c'est la sécurité, et Pascal apporte l'insécurité. Alors vos deux amours, Descartes et Pascal, se connaissaient, se rencontraient. Oui. Est-ce qu'ils se sont vus souvent ? Quelles étaient leurs relations ? Ils se rencontraient, je crois, chez le père Mersenne. Ils se sont rencontrés deux fois. Comment ça s'est passé ? Pascal était déjà... Deux fois seulement ? Oui, Pascal était déjà alité, beaucoup plus jeune. C'était un Descartes vieillissant et Pascal jeune. Mmh. Et ça, c'est le drame de l'histoire. La tragédie de l'histoire, c'est que il n'y a pas eu de témoin. En tout cas, il y aurait pu avoir la sœur de Pascal, mais elle les a laissés seuls. Donc, on sait par bribes ce qu'ils ont pu se dire. Ils ont peut-être parlé du vide. Mais là, on fait des supputations, on ne sait pas du tout ce qu'ils se sont dit. Donc, deux génies se sont rencontrés. Mais est-ce que Pascal parle de Descartes dans ses livres ? Oui, il parle de Descartes. Alors, les commentateurs se disputent encore pour savoir s'il ne fait que parler de Descartes pour le subvertir ou s'il parle un autre langage et il n'a pas besoin de Descartes pour forger ses concepts. Peu importe, mais quand il parle de Descartes, c'est pour dire que Descartes... s'est servi de Dieu uniquement pour fonder les lois du mouvement, la physique, et puis après, pour donner une chiquenaude au monde, pour le mettre en rotation, et puis après, Descartes n'a plus eu besoin de Dieu. Et puis, il a un fragment qui est intéressant où il parle de Descartes inutile et incertain. Et en réalité, si on regarde de près, c'est sans doute certain qu'il avait écrit au départ. Descartes est inutile parce qu'il est certain. Et ça revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire que vaut la certitude par rapport à mon désir d'être mais là, heureux. Pourquoi il a changé certain en incertain ? Alors on ne sait pas s'il a barré certain pour écrire incertain. En tout cas, deux lectures sont possibles. Et moi je pense que la lecture où Descartes est utile parce que certain, la lecture qu'en fait Pascal, c'est qu'il est inutile. Parce que certains... Parce que, encore une fois, que vaut la certitude que me donne la raison ? Que vaut cette certitude que crie la raison ? Quand pour moi, ce qui compte, c'est la valeur qu'ont les choses pour mon bonheur. Ça vaut pas grand-chose. Il faudrait réintégrer Pascal dans l'histoire de la philosophie, en tout cas. Si on se pose cette question que vous posez, qui a lu quoi, comment, ça veut dire qu'il faut réintégrer Pascal dans l'histoire de la philosophie, et c'est pas chose gagnée. En tout cas, c'est pas chose faite. Vauvenargues disait de l'inquiétude qu'elle est un désir sans objet. C'est pas la même chose pour Pascal. Il y a un objet du désir. Non. Et on a voulu tirer l'inquiétude vers l'angoisse du XXe siècle, l'angoisse de Heidegger, Sartre, et en disant que c'était un désir sans objet. L'inquiétude a absolument un objet chez Pascal, puisque cet objet, c'est précisément ce qu'elle n'atteint pas, ce qu'elle veut sans l'atteindre, ce qu'elle sait sans pouvoir, ce qu'elle désire sans posséder, c'est le bonheur et la vérité. Et je ne suis pas certaine d'ailleurs que l'angoisse soit une inquiétude sans objet. Je pense que l'angoisse a un objet. Leibniz, c'est grand lecteur de Pascal. Un grand lecteur de Pascal. Et pour la science, on ne saurait pas grand-chose sans Leibniz. Leibniz, c'est sûr qu'il l'a lu. Et plus tard, il y aura Nietzsche, évidemment. Alors, Leibniz, grâce à lui, on a des notes sur... le vide, le concept de vide chez Pascal. Donc, Leibniz, c'est un grand lecteur et un admirateur de Pascal. Et ce qui est intéressant, c'est la postérité de Pascal. L'autre grand lecteur de Pascal, mais parce qu'il le dit lui-même, c'est Nietzsche. Nietzsche dit « il ne s'est rien fait en philosophie depuis Pascal » et il ajoute, ce que j'aime beaucoup, « les Allemands ne comptent pas ». Donc en fait, entre le XVIIe siècle et Nietzsche, il n'y a rien eu pour Nietzsche. Pourquoi il dit ça ? Les Allemands ne comptent pas. Alors les Allemands, déjà, c'est en raison de leur régime alimentaire. Donc ils mangent très très mal, ils boivent... Ah oui, c'est dans le Gai Savoir. Pour Nietzsche, déjà, manger comme mangent les Allemands fait qu'on ne peut pas faire une bonne philosophie. Et plus sérieusement, mais je ne sais pas si c'est moins sérieux ou plus sérieux, Nietzsche dit que le sang de Pascal coule dans ses veines. C'est quand même des formules bizarres pour un philosophe. D'avoir le sang de Pascal qui coule dans ses veines. Bah oui, parce qu'en fait, le premier Nietzschéen pour Nietzsche, c'est Pascal. Alors, Pascal s'est sacrifié sur l'autel du christianisme, mais s'il était allé au bout de sa philosophie, bah Nietzsche aurait accepté tout Pascal. C'est l'idée que, précisément, ce qui compte, c'est de donner la valeur aux choses. Et la raison est incapable de donner la valeur aux choses. C'est l'idée aussi que nous ne voulons pas la vérité, mais l'illusion, et l'illusion volontaire. C'est l'idée aussi que nous n'avons des choses qu'un point de vue, et encore, en philosophie et en morale chez Pascal, le point de vue manque. C'est-à-dire qu'en géométrie projective, qui s'intéresse à la perspective et à l'horizon, donc en géométrie projective qu'a établi Pascal, qui a fait faire des avancées grâce à Pascal, on peut trouver un point de vue. On peut le modéliser même. Mais en philosophie, quel est le bon point de vue ? Le plus grand philosophe du monde, il a peur de passer sur une planche. En morale, quel est le meilleur point de vue ? Vérité au-delà des Pyrénées, vérité en deçà. Les lois, est-ce qu'elles servent de vérité ? Ben non, parce que la plupart des lois sont justes parce qu'établies. Ça aussi, c'est l'effet de l'imagination. Mais quand même, chez Pascal, il y a l'idée de vérité scientifique. Il y a des choses qui sont vraies en science et qui sont fausses en science quand on lit sa correspondance avec... le Père Noël, enfin le révérend Père Noël, le jésuite, qui avait écrit un livre intitulé « La plénitude du vide », Blaise Pascal lui démontre qu'il a physiquement tort. Il a physiquement tort et il le démontre par la raison aidée de l'expérience. Oui. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans ce monde pascalien où Dieu est présent partout, il le dit dans une lettre à sa sœur. Mmh. Nous sommes comme des prisonniers dans une prison où il y aurait des images de notre libérateur partout. Donc dans ce monde pascalien où Dieu est présent partout mais caché, on peut multiplier les expériences et déchiffrer l'univers. Alors que dans le monde de Descartes, où si on en croit Pascal, Dieu n'est pas présent, en réalité Dieu est le fondement des lois de la nature. D'une certaine façon, Dieu est plus présent dans le monde de Descartes que dans le monde de Pascal. Mais c'est ça qui est difficile à comprendre, notamment à propos de la question du vide sur laquelle peut-être on reviendra, mais avant, comme vous avez parlé du régime alimentaire des Allemands, enfin des philosophes allemands, selon Nietzsche qui les aurait empêchés de faire de la bonne philosophie, j'ai envie de vous demander comment est-ce qu'il vivait, Blaise Pascal ? Qu'est-ce qu'il mangeait ? Est-ce que vous êtes capable, vous, d'imaginer comment il marchait dans la rue ? Comment il se tenait ? Comment il parlait ? Est-ce qu'il riait ? Est-ce qu'on peut l'imaginer hilar ? Enfin, on a du mal, en le lisant, à comprendre quelle était sa façon de vivre. On devine qu'il était assez solitaire, quand même. Oui, assez solitaire, quoique il a fait partie de communautés de savants, enfin autour du père Mersenne dont vous parliez. Il a été entouré de sa sœur jusqu'à sa mort. Mais c'est drôle ce que vous dites parce que en réalité, en philosophie, on ne sait pas quelle tête ont les philosophes, quelle tête a Pascal si on n'avait pas des portraits ou le masque mortuaire, quelle tête a Descartes si on n'avait pas le portrait de Franz Hals. C'est dommage qu'on n'ait pas en philosophie, à part peut-être chez Montaigne, ce qu'on trouve chez La Rochefoucauld, donc au XVIIe, un contemporain de Pascal, où il fait le portrait de lui-même, où il dit « je suis grand, j'ai le nez busqué, etc., j'ai le regard sombre, on prend ça pour de l'arrogance alors que je suis mélancolique ». Pascal n'a pas fait ça, effectivement. Mais sa sœur a fait son portrait. Et sa sœur, voilà, la biographie, on a une biographie de Pascal qui est sans doute la plus autorisée, puisque c'est celle de sa sœur, qui a vécu à ses côtés. Donc, en réalité, on sait beaucoup de choses. Mais il était malicieux, bon vivant, Il a été assez vite malade, je crois. Oui, il a été malade. Il a été malade jeune et toute sa vie, et avec des douleurs atroces. Donc, quand vous me dites ce qu'il pouvait manger, il avait quelque chose qui ressemblait à des ulcères à l'estomac. Donc, je pense que c'était pas non plus la bonne chair. Mais à quoi ressemblait Pascal, hein? Mais alors, ce que je trouve, vous allez peut-être prendre ça pour un snobisme, mais je trouve que Pascal est vraiment drôle. Alors, dans les provinciales, ça saute peut-être plus aux yeux que dans les pensées. Dans les provinciales, oui, dans les pensées, c'est méchant, mais drôle. Il s'amuse. Il s'amuse, il se moque des jésuites. Enfin, le meilleur moyen de démonter votre ennemi, c'est... Il s'amuse à dire du mal. Il s'amuse à dire du mal, oui, c'est méchant, mais avec une élégance et une puissance. Et dans les pensées, par exemple, le plus grand philosophe, vous avez cité ce fragment, le plus grand philosophe qui est en train de paniquer sur une planche, ça fait rire. Enfin, je trouve qu'il y a des moments, il y a des images, puisqu'on parle d'imagination, il y a des images dans les pensées. Il y a des situations. Qui anticipent sur Buster Keaton. C'est un rire farcesque. Il y a ce côté... Bon, oui, parce que le lien entre Pascal et Buster Keaton, je ne l'avais pas fait spontanément, mais en y pensant, oui, ça a du sens. Mais parce que Pascal décrit le mouvement, et nous ne sommes qu'en mouvement. Le divertissement, c'est une pantomime. Nos divertissements, être philosophe, être scientifique, faire des expériences, vouloir être à la cour, vouloir être le plus grand philosophe du monde, vouloir être roi, se croire roi, ce qui est... L'image du fou pour Pascal, celui qui se croit roi, qui croit qu'il y a quelque chose en lui qui lui vaut d'être roi. Eh bien, tout ça, ce sont des pantomimes, c'est farcesque, c'est la danse du bourgeois gentilhomme à la fin de la pièce du même nom de Molière, qui se prend pour le grand Mamamouchi. En fait, moi, je suis frappée des coïncidences entre Molière et Pascal. Là encore, c'est pas possible. Ils se sont pas rencontrés, c'est pas possible, mais l'homme de Pascal ressemble beaucoup au bourgeois gentilhomme de Molière. L'homme dont il se moque, pas lui-même. Non, l'homme dont il se moque, mais je pense qu'en bon chrétien, Pascal aura commencé par ordonner la charité à soi-même, donc il se moque de lui-même. Oui, il se moque de lui-même. Si jamais il lui prenait le désir d'être le plus grand philosophe, bah oui, il s'en moque. Là, on parle surtout du Blaise Pascal philosophe, mais on l'a dit tout à l'heure, il a été un inventeur, la pascaline et beaucoup d'autres choses. Est-ce qu'il croyait, alors peut-être la question est stupide, mais est-ce qu'il croyait à ce qu'on appelle aujourd'hui, ou ce qu'on a longtemps appelé le progrès technique? Est-ce qu'il croyait au progrès? Bonne question pour le XVIIe siècle, parce que le concept n'existe pas. Le concept de progrès n'existe pas encore. Non, mais c'est marrant parce qu'il tourne autour Descartes comme Pascal. Alors Pascal, c'est plus compliqué. Descartes, c'est certain. Il n'a pas le mot. Alors, Pascal et Descartes est à deux doigts d'inventer le mot, parce que le mot existe, mais il a une connotation spéciale. Oui, spatiale. Progresser, c'est avancer dans l'espace. C'est avancer dans l'espace. C'est pas progresser dans le temps. Mais Descartes, alors ça c'est émouvant même de voir chez Descartes le fait qu'il est si près du mot, du concept en réalité, et pas tout à fait. Ça serait intéressant de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il l'a retenu, parce que Descartes dit, moi je veux que j'ai donné le programme. En fait, tout ce que nous donne Descartes, c'est programmatique. Hein. C'est l'essentiel pour continuer à faire ce qu'il a fait, pour poursuivre ce qu'il a fait, et notamment en médecine. Ce qui intéresse Pascal, c'est la médecine. Je pense même alors le mot est anachronique, mais la neurochirurgie ou la neurologie, c'est ça qui intéresse Descartes. Et il dit, mes petits-neveux, donc mes descendants le feront. Il y a déjà l'idée que... Cette fameuse phrase qu'on a cessé de critiquer comme maître et possesseur de la nature, d'abord, faut pas oublier le comme, parce que le seul maître et possesseur, c'est certainement pas l'homme, c'est Dieu. Mais c'est surtout pour la médecine. Dans la médecine, on laisse pas la nature faire. Enfin, quand on prend un doliprane, c'est qu'on laisse pas la nature faire. Et Descartes pense qu'il faut pas laisser la nature faire et que la médecine a devant elle des siècles de progression, d'avancée. Pascal, c'est beaucoup plus difficile. En cela, on comprend pourquoi Rousseau est un lecteur de Pascal, parce que pour Pascal, on pourra faire des progrès en science. C'est certain, on pourra faire des progrès en technique, même en quelque chose que j'appellerais technologie, même si mais c'est... Mais pas en humanité. Mais pas en philosophie, parce que le repère manque, et pas en morale, et pour les deux, parce que l'homme ne se connaît pas suffisamment. L'homme ne se connaît pas suffisamment, et c'est ça que nous propose Pascal. En fait, les pensées, c'est un miroir qui nous met devant nous, avec des spots qui éclairent, qui fait la lumière sur ce qu'on ne veut pas voir, à savoir nous-mêmes. Oui, mais justement, vous, dans votre livre, Laurence de Villers, Philosophie de Pascal, le grand principe d'inquiétude, vous faites une lecture des pensées avec l'idée que le grand sujet des pensées, c'est l'inquiétude de l'homme. Mais est-ce qu'on peut pas les lire aussi comme un livre qui traiterait de la bêtise? Oui, parce que la plus grande des bêtises, c'est de ne pas s'inquiéter de ce qui doit nous inquiéter. C'est l'indifférence. C'est l'indifférence et l'illusion volontaire. Donc là, on retrouve l'imagination. C'est-à-dire que... Et on comprend, il ne faut pas croire que Pascal dénigre absolument le divertissement. Pendant que je me divertis, donc je chasse ce sanglier, je fais le philosophe, je cours après des postes, je fais l'important, je me crois roi, je me crois philosophe, je me crois célèbre. Pendant ce temps-là, je suis heureux. Et c'est la seule chose que je veuille. Donc l'homme ne veut qu'une seule chose, c'est ça marche. Ça marche, oui. Le temps que ça dure, ça marche. Mais le divertissement, qui est le plus grand de nos remèdes, est aussi le plus grand de nos maux. Pourquoi ? Parce que pendant que ça marche, je me suis illusionnée. C'est-à-dire que je me suis satisfait d'un bonheur éphémère qui n'est pas le bonheur véritable. Pourquoi ? Parce que c'est comme un écran de fumée. Je me suis senti heureux, mais dans la fiction et dans l'illusion. Pour trouver le bonheur véritable, il faut accepter d'en passer par le douloureux passage du négatif, me voir tel que je suis, me connaître tel que je suis. Et le pic de ce moment négatif chez Pascal, il le dit, c'est que lorsque nous y pensons de près, rien ne peut nous consoler. C'est ça que nous devons affronter. Nous sommes inconsolables. Inévitablement inconsolable. Et tous les divertissements que nous mettons en place et auxquels nous nous adonnons pour trouver une consolation ne font que renforcer l'inconsolabilité. Mais précisément, c'est ça que nous voulons pas voir. Et c'est là où l'imagination exerce sa force et sa puissance. Mais alors, qu'est-ce que vous appelez dans votre livre, Laurence de Villers, l'ignorance tranquille ? C'est une expression de vous ou c'est de Pascal ? Non, c'est une expression de moi. Alors, c'est à vous de la définir. L'ignorance tranquille, c'est l'idée que... L'ignorance tranquille, c'est carpe diem. C'est l'idée que je suis sur terre ou en cette vie, jetée en cette vie, pour tirer le meilleur profit du plaisir que je peux obtenir. Sans me poser de questions. Carpe diem. Tel que nous le disons de nos jours, hein, carpe diem. Ou c'est simplement la joie de vivre. La joie de vivre, justement. Elle est légitime. Eh ben non, alors Pascal vous réplique. Si c'était un tel bonheur d'être heureux, pourquoi nous passons notre temps à nous divertir de la vie ? Là, je ne parle pas du bonheur, je parle de la joie. Mais la joie, c'est la joie qu'on éprouverait au simple fait d'exister. Mais si elle existe. Il peut y avoir une joie chez Clément Rosset, par exemple, qui naît du simple sentiment d'avoir conscience du tragique. Oui, mais ça, c'est un lecteur de Pascal. Moi, j'aimerais éprouver cette joie dans la conscience du tragique. Je ne suis pas certain. Pour moi, la joie, c'est l'équivalent de l'éclat de rire. C'est la surabondance de la vie. C'est du rab dans la vie. C'est quelque chose en plus. Pour moi, la joie, c'est les noces. Et même les noces de Cana. Il y a profusion. C'est ça, la joie. Tout d'un coup, la vie n'est pas radine. La vie nous donne ce qu'on veut. Mais alors, la joie dans le tragique, moi, je ne vois pas. L'inconsolabilité dans le tragique, moi c'est Pascal qui me convainc. Effectivement, à regarder de près, rien ne peut nous consoler. Qu'est-ce qui nous console de nos chagrins quand on y regarde de près ? Rien. Quand on nous dit de faire le travail du deuil, le travail... Ça marche pas. Mais ça marche pas, bien sûr que non. Enfin, on peut pas travailler le deuil, on peut pas travailler la souffrance, on peut pas travailler l'inconsolabilité. Est-ce que vous êtes capable, Laurence de Villers, de comprendre pourquoi Blaise Pascal est d'une certaine façon indémodable ? Et est-ce qu'on le lit aujourd'hui de la même façon qu'on le lisait au XVIIe siècle ? J'ai trouvé une phrase qui m'a intrigué dans « De l'art de persuader ». Il écrit « Ceux qui ont l'esprit de discernement savent combien il y a de différence entre deux mots semblables selon les lieux et les circonstances qui les accompagnent ». Ça veut dire que le sens des mots change. Et donc, j'imagine que lire aujourd'hui les pensées ne provoque pas en nous les mêmes réflexions que ce que ça pouvait provoquer au XVIIe siècle. Est-ce qu'on est capable de mesurer cette différence ? Alors, nos lectures font beaucoup de mal aux auteurs. Je me compte parmi les commentateurs. Hein, je crois qu'il n'y a pas pire que le commentaire, en réalité, parce qu'il faut lire l'auteur lui-même. Le commentaire qu'on a fait de Pascal au XIXe siècle nous l'a abîmé durablement. Enfin, on est seulement peut-être en train d'en sortir. Le fait que Pascal ait été rangé parmi les auteurs chrétiens ou les dévots a fait qu'on ne l'a pas lu en philosophie et on continue à hésiter de dire qu'il y aurait une philosophie dans Pascal. Donc, je pense qu'il faut oublier les commentaires et relire Pascal. Je fais le pari que quelqu'un... Je fais le pari que quelqu'un qui lise Pascal, vraiment, ne soit pas ébranlé par Pascal. Vous avez parlé de philosophie radicale. Ben, Pascal fait partie de ces philosophies sans condition, sans concession et sans compromis. Moi, c'est les philosophies que je préfère. De la même façon qu'on dit qu'il y a une littérature noire, enfin, le policier, c'est une littérature noire. Moi, je pense qu'il y a une philosophie noire, non pas parce qu'elle serait pessimiste, tragique, enfin, c'est des mots qui veulent pas dire grand-chose, mais parce qu'elle est sans concession. Elle nous demande d'affronter le douloureux négatif du réel et de l'existence. Moi, je fais le pari que Pascal ne laisse pas indifférent. C'est pas possible. Moi, j'ai découvert Pascal, c'est une confidence, en classe de première, notre professeur de français qui s'appelait Monsieur Bogart. Il nous faisait des lectures des pensées, et quand il lisait les pensées, il avait quasiment... la larme à l'œil. Ah oui. Alors qu'il avait des années d'enseignement derrière lui. Ouais, je peux comprendre. Donc ça confirme ce que vous dites. Qu'est-ce qui continue d'irriguer notre imaginaire, pour revenir au sujet, chez Pascal? Qu'est-ce qu'il y a de provocateur qui fait que, quand on le lit, en effet, ça marche à chaque fois? Ça continue de marcher? Parce que la langue est belle. Déjà, il y a une beauté. Et la condition humaine n'a pas changé? Parce que la condition humaine, c'est évident, n'a pas changé, et parce que on veut toujours pas en entendre parler. Je veux surtout pas qu'on me dise. S'il revenait parmi nous, grâce à je ne sais quelle capsule temporelle, il débarque là en 2023, qu'est-ce qu'il nous dirait? La même chose? Ouais, la même chose, absolument. La même chose. Et alors, j'aimerais vraiment le lire, parce que cet auteur aussi méchant, aussi génial et aussi drôle, j'imagine ce qu'il pourrait dire de nous. Oh, ça serait tellement plus puissant que tout ce qu'on croit encore être méchant, drôle et imaginatif de nos jours. Laurence de Villers, j'ai beaucoup parlé de votre livre sur Blaise Pascal, Philosophie de Pascal, le principe d'une certaine inquiétude, mais j'ai découvert que vous avez écrit un autre petit livre en 2022 intitulé Petite philosophie de la mer, dans lequel vous défendez une conception, disons, subtile de la prise de risque. Vous dites, par exemple, l'important n'est pas d'être en adéquation avec soi, de se trouver ou de se réaliser, mais de s'éprouver et de le faire dans l'action. La plus noble et la plus dérisoire qui soit, celle qui vient braver le réel sur son propre terrain. Donc on est obligé d'agir, en fait. Oui, moi, je suis très agacée par... peut-être une mauvaise, mais une littérature du développement personnel qui ne cesse de nous dire qu'il faut nous retrouver, qu'il faut coïncider avec soi, qu'il faut s'accomplir. Et alors, grâce à Pascal, je sais que le moi est dérisoire. Il est insignifiant. Le moi est insignifiant. Donc, vous ne pratiquez pas la méditation? Non, je pratique pas. Et qu'est-ce qu'il répond, c'est Blaise Pascal, de la méditation? D'abord, il aurait répondu ce qu'il a déjà écrit. Il est impossible à l'homme de rester en repos dans une chambre. Et il faut surtout pas le faire. C'est insupportable, parce qu'alors, nous allons peut-être devoir affronter ce qu'on ne veut pas affronter, la vérité sur nous-mêmes et sur notre condition. Non, le moi n'est pas intéressant. Enfin, le moi est encombrant, mais insignifiant. Donc, moi, j'aime le risque, parce que je crois que c'est la seule manière que j'ai trouvée pour me désencombrer de moi-même. Donc, je prends des risques un peu fous et plutôt en mer. Donc, le moi n'est rien, mais il prend trop de place. Il prend beaucoup trop de place. Vous dites, le risque n'a pas à voir avec la mort, mais avec le réel. Vous dites, la mer est déchaînée, la baignade interdite, qu'importe, je vais nager, la pente est trop raide, le cheval un peu rétif, je pars au galop, ce n'est pas de l'inconscience, ce n'est pas la quête de l'exploit, ce n'est pas non plus vivre vite et fort, c'est engager dans cette nage et dans cette cavalcade un rapport singulier au réel, etc. Moi, je n'aime pas le réel. C'est pas du tout raisonnable. Non, c'est pas du tout raisonnable. Je n'aime pas le réel. D'abord, je pense que le réel est... Alors, Pascal dit que le réel est terrible. Je pense qu'effectivement, il est terrible. Le réel, c'est une tautologie. Le réel, c'est ce qu'il est. Le réel est ce qu'il est. Rien d'autre. Et pour moi, ça m'est insupportable de devoir affronter quelque chose qui est ce qu'il est, c'est tout. Je termine par une dernière citation à propos du risque. Vous dites, le risque, c'est aller au plus près de ce qui est imposé, de ce qui ne se négocie pas, et lui rire au nez. Est-ce que c'est pascalien comme démarche? Autrement dit, est-ce que vous avez, vis-à-vis du risque, un rapport pascalien? J'ai sans doute un rapport radical, très dangereux. Parce que j'aimerais pas être le grand philosophe qui a peur sur sa planche. Je voudrais pas être le plus sot de la bande. Alors, Laurence de Villers, j'avais une question un peu personnelle à vous poser à propos du vide, puisque Blaise Pascal, on l'a dit, a participé avec d'autres, Descartes et quelques-uns, à ce qu'on appelait la querelle du vide. Et dans sa correspondance avec le Père Noël, Blaise Pascal ne cesse pas de marquer la différence entre le vide et le néant, en disant que le vide a au moins une dimensionnalité que le néant n'a pas. Et un peu plus tard, quand il écrit dans les pensées ces fameuses pages sur le divertissement, il ne fait plus la différence entre le vide et le néant. Alors moi, je me suis demandé, il a eu conscience de démontrer d'une part que si on n'arrive pas à faire le vide facilement dans la nature, c'est à cause de la pression atmosphérique que lui appelait la pesanteur de l'air. Donc c'est la pesanteur de l'air qui empêche qu'on fasse facilement du vide dans l'atmosphère, et c'est le divertissement qui empêche que le vide apparaisse dans nos existences. Et donc on pourrait dire que le divertissement est à notre existence ce que la pression atmosphérique est pour la nature. Est-ce que il a précisé la distinction qu'il faisait entre le vide et le néant dans les pensées ? Oui, le néant n'est rien, absolument rien. Est-ce qu'il existe ? Est-ce que le néant peut exister ? Oui, et il doit même être l'objet du désir du chrétien, puisque la seule conversion véritable, selon Pascal, est de s'anéantir devant Dieu, donc de devenir néant. C'est-à-dire ce moi encombrant qui prend toute la place, qui est tyrannique et haïssable en cela, c'est-à-dire qui veut être le centre du monde, le moi est le centre du monde. Il faut l'anéantir. Donc non seulement le néant existe, mais il faut que ce néant existe, il faut que l'être devienne néant. Mais Pascal n'abandonne pas, me semble-t-il, la différence que vous notez entre néant et vide, précisément parce qu'il parle de capacité naturelle vide. Notre nature, d'une certaine façon, est capable et vide à la fois. Puisque, on en a parlé, elle contient le vide de ce qu'elle devrait contenir. Elle devrait contenir, notre nature veut le bonheur, donc elle devrait contenir une image du bonheur. Elle veut la vérité, elle devrait contenir une idée de la vérité. Mais ce qu'elle contient est vide. Donc je pense que c'est une distinction, cette distinction que vous faites entre néant et vide, elle est fondamentale et on la retrouve dans la philosophie des pensées. Et alors à propos de la politique, pour finir là-dessus, qu'est-ce qu'il pense de la politique qui mobilise beaucoup plus, et ça demeure vrai aujourd'hui, l'imagination que la raison, me semble-t-il? Ah, la politique, c'est le grand lieu de l'imagination et c'est sa grande réussite. En réalité, il n'y aurait pas de société ni de politique sans l'imagination. L'imagination permet que la force, qui est l'arme, le mode de fonctionnement du politique, le politique a le monopole de la force, mais ce qui rend cette force légitime, ce qui fait que le politique a le monopole de la force légitime, de la violence légitime, c'est l'imagination. Parce que, d'une certaine façon, elle opère une sublimation, une atténuation de la violence et de la force, elle la rend supportable, et elle fait que nous nous rassemblons et nous nous retrouvons autour de personnes, qu'on appelle les hommes politiques, autour d'objets symboliques, imaginaires, la nation, l'État, le territoire, parfaitement imaginaires pour Pascal, mais la force de l'imagination, et donc la force du politique, c'est qu'on y croit. Enfin, c'est un mensonge, d'une certaine façon, qui ne cherche pas à mentir, mais qui cherche à nous réunir. Et ça fonctionne. Il n'y aurait pas pire pour Pascal, comme ces demi-habiles qui se croient plus intelligents que les autres et qui nous disent « attention, c'est de l'imposture, c'est une force imaginaire, la nation n'est rien, c'est une imagination, tout ça c'est du symbolique ». Il n'y a pas pire que ces intellectuels, en fait, ces habiles, parce que en fait, l'imagination fait fonctionner, fait que les hommes coexistent, les hommes... L'expression qu'on emploie beaucoup de nos jours, vivent ensemble. Donc elle a une certaine utilité. Elle est indispensable, elle est nécessaire en politique. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de coexistence humaine sans imagination. Ça sera le mot de la fin, Laurence de Villers. Je vous remercie d'être venue à la conversation scientifique. Je recommande la lecture de votre livre Philosophie de Pascal, Le principe d'inquiétude. C'était La conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Grégory Wallon et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.